lorsque celui-ci, lorsque cette personne sera obligée de laisser son corps physique, elle ne soit pas tirée par la lumière du monde des morts, mais qu'elle soit tirée par son double éthérique, elle va le réintégrer, et après un certain laps de temps, lorsqu'il aura suffisamment d'affinité éthérico-vitale, elle va se réincarner dans un corps physique humain. Mais elle arrivera au monde se rappelant de ce qu'elle a vécu avant. Elle n'aura pas la perte de mémoire opérée par les réincarnations pluralitaires de l'homme ancien. Une fois qu'elle sera dans son corps physique, elle aura comme... Sachez une chose. Je prends un exemple. Vous mourrez. Paf. Vous avez un double éthérique parce que vous avez commencé à perdre de l'ego. Une fois mort, vous êtes dans le monde entre la vie et entre la mort, entre la vie physique et entre la mort réelle. Une lumière, les personnages, des phénomènes, des guides, des divinités viennent vous chercher pour vous amener dans le monde des morts et ils viennent vous rassurer. Vous allez vers ce monde des morts et vous êtes aussi attiré par la lumière de votre double éthérique. Alors automatiquement, vous allez avoir plus d'attraction pour le double éthérique que pour le monde des morts. Lorsque vous allez rejoindre votre double éthérique, après un laps de temps qui va permettre au monde des morts de s'ajuster à la perte de cette personnalité anégoïque, vous allez vous réincarner, mais le double éthérique, la personnalité doublée dans l'éther, se doit pour se réincarner de retraverser le monde des morts. Le double éthérique n'est pas suffisamment constitué par la négoïsation de l'âme lors du vécu de l'humain. La personne qui ne meurt pas en allant vers le double éthérique peut mourir en revenant se réincarner. La personne qui a suffisamment transmué son ego en double éthérique, lorsqu'elle va traverser le monde des morts pour se réincarner, elle va faire exactement ce que le Nazaréen a fait lorsque celui-ci a été crucifié pour 3 jours. Elle devra pénétrer le monde des morts sans mourir. Lorsque l'éthérique se réincarne, il est vital. C'est-à-dire qu'il est périsprisé par de l'énergie vitale. Il doit être suffisamment puissant pour percer l'enveloppe du monde des morts. Le monde des morts. Sans mourir. Et lors de son passage, il doit attirer à lui toutes les personnalités réincarnatives qui ne sont plus personnalisées. Lorsque l'homme ancien meurt, il va dans le monde, entre le monde de la mort et le monde physique. Il est attiré par le monde des morts, par les personnes qui l'appellent, par les personnes qu'il a connues, par ceux qu'il a aimés. Et lorsqu'il pénètre le monde des morts, son corps vital, qui sert de périsprit d'enveloppe de l'âme, ne peut pénétrer le monde des morts. Alors automatiquement, ce qui faisait que l'âme restait ce qu'elle était, n'étant plus, l'âme dans le monde des morts est automatiquement dissoute, absorbée par les plans vibratoires qui rentrent en résonance avec cette personnalité, maintenant réellement morte. Les vibrations de toutes les millions de personnes qui sont en affinité se relient. Lorsque l'énergie supramentale retraverse le monde des morts, il aspire avec lui automatiquement une coloration de milliers de personnes mortes et il constitue avec cette coloration un autre humain. Et cet humain doit fusionner ses personnalités réincarnatives pour arriver à se retrouver. Il va le faire dans l'enfance. Lorsque l'énergie d'un double éthérique se réincarne et qu'il retraverse le monde des morts, il doit percer la membrane, les barrières du monde des morts, il doit traverser le monde des morts sans jamais perdre sa personnalité. Et dans ce travers du monde des morts, il doit attirer à lui toutes les personnalités impersonnelles, donc qui n'existent plus, tous les phénomènes énergétiques de tous ceux qui sont morts, qui ont une résonance affective avec le double éthérique qui traverse, ce qui fait que lorsque ce double éthérique réussit à traverser, il vide le monde des morts en passant. Il supporte alors la souffrance ou une partie de son humanité sur ses épaules. Il fait ce que le Nazaréen a fait. Il a supporté les péchés du monde, de son monde, de ses frères et de ses sœurs et non pas des autres. Et non pas des autres religions. Et non pas des autres. Lorsque le double éthérique, énergisé par l'âme, par une âme qu'il s'est accolée, pénètre un corps vital et un corps physique, il vient au monde. Étant au monde, il est un humain. Il n'est pas divin, il est humain, parce qu'il a une âme. De 0 à 12, 13, 14 ans, il va assimiler cette âme et il sera divin, supramental, vers l'âge de 12, 13, 14 ans. Alors, automatiquement, il sera dans l'état de savoir. Il ne l'a pas à la naissance. Dans cet état de savoir, tout l'âme qu'il a ramassé et qu'il a réussi à supramentaliser de sa naissance à l'âge de 12-13 ans, cette âme va être projetée dans l'énergie extraterrestre supramentale et elle va aller parfaire le double éthérique. Et lorsque le double éthérique est parfait, qu'est-ce que ça veut dire parfait? Il est parfait, merde, ça veut dire fini. Lorsqu'il a été parfait, il est parfait. Lorsque le double éthérique est parfait, il n'y a pas d'autre perfection sur le plan planétaire qu'une chose finie. Lorsque le double éthérique est parfait, alors automatiquement l'entité humaine n'a plus nécessairement besoin de son corps. Elle n'est plus mortelle. Elle n'a pas d'identité. Elle a une personnalité. Elle n'est plus mortelle et elle est tout à fait bilocalisée, c'est-à-dire qu'elle a une évolution supramentale par rapport au plan bouddhique, au plan de l'univers, et une évolution expérientielle terrestre. L'énergie supramentale est triunitaire. L'énergie mentale est triunitaire, l'énergie astrale est triunitaire, l'énergie vitale et physique sont triunitaires. L'énergie bouddhique est divinitaire. L'énergie supramentale, il est parfait. Il est fini. L'univers dans lequel nous évoluons est parfait. La création, elle est parfaite. Mais l'absolu inconditionné est imparfait. Et il ne souffre pas de l'imperfection parce qu'il n'a rien à foutre de la perfection. Ne peut être parfait que ce qui peut être fini. En cela, l'humain est parfait. Lorsqu'une énergie reliée au double éthérique, supramentalisé, qu'est-ce que c'est le double éthérique supramental et qu'est-ce que c'est que le double éthérique supramentalisé? Le double éthérique supramental est une forme créée par toutes les fusions des doubles éthériques supramentalisés. Les doubles éthériques supramentalisés sont les doubles éthériques qui vont permettre à votre personnalité d'échapper au plan des morts. Dans l'énergie supramentale, vous apprendrez aussi à vous fusionner avec d'autres doubles éthériques supramentalisés. Et la fusion de tous les doubles éthériques supramentalisés constitue le double éthérique supramental, qui est le double éthérique espritique de l'évolution de quelques divinités supramentales à l'échelle de notre planète. Si vous voulez avoir quelque chose de plus terre à terre, si vous n'êtes pas digéré dans le plan du monde des morts, vous serez digéré dans le plan supramental. Lorsqu'une énergie qui provient d'un double éthérique supramentalisé pénètre le monde des morts dans un processus de réincarnation terrestre et qu'il se trouve à mourir dans ce monde des morts, Le double éthérique doit être suffisamment énergisé par une anégoïsation des plans astraux, donc par une perte de l'ego. Des plans astraux de l'humain et de son vivant. Ce n'est pas lorsqu'on est mort qu'on évolue, c'est lorsqu'on est vivant. Lorsque la personne elle est vivante, elle doit mettre 100% de son travail à la perte de son ego, à la perte de son orgueil, pour la remplacer par l'intelligence, pour la remplacer par l'intelligence de l'événement au cours de sa vie. Alors, elle commence à créer un double éthérique, et si ce double éthérique est suffisamment énergisé, la personnalité qui viendra à l'intérieur de ce double éthérique sera suffisamment puissante pour pouvoir traverser le monde des morts dans un processus de réincarnation. Lorsque nous disons dans l'antique religion que Dieu s'est fait homme, nous parlons évidemment d'un homme qui s'est fait Dieu, qui s'est fait homme. Nous parlons d'une personnalité typiquement humaine qui a constitué un double éthérique suffisamment puissant pour par la suite redevenir humain, traversant le monde des morts de sa naissance et redevenant ce Dieu vers l'adolescence. Ou la nouvelle naissance. Le Nazaréen, à cette époque, a bien exprimé le Nazaréen comme à toutes les époques. Lorsqu'il a été crucifié, il a été obligé, comme seront obligés tous ceux qui seront à un moment donné divinement humains, il a été obligé de quitter son corps physique et de repénétrer le monde des morts sans mourir. C'est-à-dire que, voyez ceci, toutes les personnalités vibratoires d'une incarnation divine sur le plan planétaire peuvent être exprimées dans plusieurs corporelles. Lorsque des millions de personnes vivent des expériences similaires meurent, dans le monde des morts, ils se réintègrent, ils s'assimilent ensemble, donc ils se créent une forme de personnalité, qui peut, elle, être réincarnée, encore une fois, dans plusieurs personnes. Et selon les corporalités physiques, il y aura des expressions de ces psychologies différentes, ce qui créera des humains différents, de prime abord semblables. Lorsque l'énergie supramentale d'un double éthérique traverse le plan des morts, pour revenir, il va suctionner toutes les énergies en affinité avec sa conscience supramentale qui se trouvent dans le monde des morts, et il va apparaître dans le plan terrestre comme étant un humain potentiellement divin. Vers l'âge de 12 ans, il aura suffisamment divinisé toute l'âme qu'il aura été cherché dans le monde des morts, et il aura presque parfait son domaine. Mais, il y a ceci. C'est que toutes les personnes qui sont vivantes et qui n'étaient pas mortes lorsque le double éthérique a traversé le monde des morts ne sont pas fusionnées avec la personnalité supramentale de ce Dieu humain. Alors évidemment, ce Dieu humain doit aller chercher des apôtres autour de lui, il doit faire sien. Ceux qui vivent avec l'affinité supramentale de la même divinité. Alors, automatiquement, il pourra les assimiler de son vivant et de leur vivant. De 0 à 12 ans, certaines personnes qui ont une résonance semblable et similaire à sa propre énergie divine seront mortes de 0 à 12 ans. Alors, lorsqu'il arrive à 12 ans et qu'il est capable maintenant d'aller assimiler les personnalités vivantes, qui a une résonance supramentale similaire à sa divinité, il aura manqué certaines personnes qui, de 0 à 12 ans, seront mortes et auront réintégré le monde des morts. Et lorsque lui a traversé ce monde des morts pour s'incarner, ces personnes n'étaient pas mortes. Et lorsque lui a maintenant la faculté d'absorber l'énergie de ceux qui sont vivants, ces personnes sont mortes. Il doit, pour quitter le processus, pour être parfait, il doit perdre le corps physique, réintégrer le monde des morts du plan terrestre, sans mourir, et c'est la descente aux enfers du Nazaréen sur la croix. Sans mourir, il retourne dans le monde des morts, il va rechercher énergétiquement les personnes, les dernières formes d'expression supramentale de sa divinité. Son corps éthérique est parfait, son corps physique est devenu inutile si on parle du Nazaréen. Et automatiquement, il a le privilège d'apparaître dans un corps éthérique, dans un corps lumineux devant l'esprit. égoïquement, il peut être un peu souffrant. D'être instruit par la conscience supramentale ou mentale du fait que la personnalité n'a rien à voir avec l'identité. L'humain est présentement dans une phase où il peut sans doute arriver à devenir immortel. Où il ne meurt pas. Pour être immortel, je ne parle pas de la mortalité physique, je parle de la mortalité astrale. Je parle de la mortalité de la personnalité. Lorsque la personnalité n'est plus mortelle, l'humain n'a rien à foutre de savoir si son corps physique est mortel. Lorsqu'un être humain a un double éthérique, il a un double vital extraterrestre et planétaire. N'importe quand il est capable de reconstituer un corps physique, étant donné qu'il a la puissance de contrôle sur l'énergie vitale. Terrestrement parlant, il est créateur. Mais pas cosmiquement parlant. Lorsque l'humain a constitué un double éthérique, il est immortel. Lorsque l'humain a commencé à constituer un double éthérique, il est immortel. Il n'est pas encore exclu des processus de réincarnation, mais il est immortel. Ça n'a rien à voir avec la consistance de votre corps physique. Ça a à voir avec la dissolution de votre ego. Et la dissolution de l'ego apparaît avec la dissolution de l'expression de l'orgueil. Alors, différents mécanismes peuvent être amenés à l'humain. Nous sommes et nous restons dans un absolu coordonné et conditionnel. Tout ce qui est conditionnel et coordonné est mécanique. Tout ce qui est mécanique est envisageable, conséquentialisable, prévisible. Tout ce qui est mécanique, conscientisable, conséquentialisable, prévisible et technicabilisable. Trois choses sont pourtant nécessaires pour qu'un phénomène actuel serve à l'expérience. Trois choses. La première chose, il faut que le temps soit là. Le temps existant par l'espace va être déterminé par la probabilité de conscientiser et de conséquentialiser la démarche mécanique du contact supramental. Et troisièmement, un potentiel récepteur doit être puissamment présent. Humainement parlant, ce doit être le temps. Il doit y avoir une mécanique permettant de créer une technique de contact. Et il doit y avoir des individus suffisamment avancés pour pouvoir se servir de la technique de contact. Tout ce qui est conditionné est prévisible. Ce qui est prévisible parce que c'est mécanique. Et ce qui est mécanique peut être transformé en technique. Le phénomène PMC est une technique de contact avec l'ajusteur de pensée, donc de contact supramental. Cette technique étant une technique ne nécessite pas nécessairement la compréhension consciente de l'évolution transformative chez les pratiquants. Autrement dit, elle peut être très opérationnelle, même si les personnes qui la pratiquent ne s'en rendent pas compte. Et comme le temps avance, automatiquement, la technique peut devenir de plus en plus raffinable et raffinée. Ce qui fait qu'automatiquement, cette technique peut être malléablement transformée pour permettre à ceux qui la pratiquent la conscientisation réelle de la mutation déjà réelle. L'évolution d'une technique supramentale va évidemment avec l'évolution des techniciens, de ceux qui la pratiquent. Lorsque le temps s'écoule, les énergies telluriques accélèrent les choses, les énergies solaires accélèrent les choses, et automatiquement, certaines formes d'expression de la mécanique d'évolution peuvent être exprimées de manière à ce que l'ego puisse être informé des changements sans que l'ego puisse s'en servir. Le PMC, jusqu'à date, avait été élaboré de façon à ce que l'ego ne soit pas instruit des changements, pour que celui-ci ne se mette pas à triper sur les changements, de façon à empêcher les prochains changements. La technique PMC était donc une technique hypocrite, en ce sens qu'elle faisait évoluer la personne à son insu. Le temps énergétique est maintenant présent pour que cette technique puisse être maintenant conscientisée chez les personnes qui la pratiquent, de façon à ce qu'au fur et à mesure qu'il y a un changement, ils puissent en être conscients, et cette conscientisation ne pourra pas servir contre le changement. Évidemment, pour que cela soit fait, une altération positive doit être opérée au niveau de la structure d'enseignement de la technique. Autrement dit, à partir de la mi-août, le programme PMC change au niveau de la forme d'enseignement, les techniques restant les mêmes, de façon à ce que chacun d'entre ceux qui pratiquent puisse percevoir vitalement, astralement, mentalement et physiquement, chaque bloc de quelques semaines pour pouvoir instruire l'ego de libérer l'évolution. Alors, il y a plusieurs choses que nous ne vous avons pas dites. Il y a plusieurs choses que les professeurs n'ont pas révélées et qui, à partir de cet automne, seront révélées de façon à ce qu'à chaque 3-4 semaines, puissiez en arriver à conscientiser la transformation. Cela veut simplement dire que nous allons vous demander un effort supplémentaire. Vous allez devoir comprendre les mécanismes et la mécanique réelle évolutive permettant à votre corporalité terrestre d'arriver en contact avec un ajusteur de pensée extraterrestre pour finalement vous permettre de constituer un double éthérique. Que vous avez fait, non seulement vous allez devoir le continuer, mais il devra être mieux fait. Le fait d'arriver à entrer en contact avec son ajusteur de pensée permet la création d'un double éthérique. Le fait de créer le double éthérique permet l'immortalisation de votre personnalité. Mais une chose est extrêmement importante au niveau de l'évolution, c'est que vous devez comprendre une fois pour toutes que les clés qui vous sont données ne sont pas placées pour être mises dans un tiroir. Il y a des choses qui devront changer devant votre attitude d'évoluer. Il y a le temps. Mais le temps est fonctionnel. Le temps, il est régi par la friction de la matière sur elle-même. Cela veut dire que tant que vous allez vous déplacer lentement, le temps sera long. Et plus rapidement vous allez vous déplacer, plus le temps sera court. Des 15 minutes que prend un avion de chasse canadien pour survoler la base de Bagotville à Chicoutimi et venir survoler celle de Saint-Hubert à Montréal, cela peut se transformer en 2 mois si vous le faites à cheval. La friction de la matière. L'avion de chasse a une friction plus grande. Il surchauffe. Il doit être aérodynamisé. Il doit être organisé en fonction de l'évolution rapide. Et automatiquement, le temps est court. Même si la distance reste la même, le chemin est long avant d'arriver au contact supramental. Soit. Mais le temps n'est pas nécessairement long. Seul le chemin est long. Et vous allez comprendre, vous allez découvrir la durée du temps qu'en fonction de la distance à parcourir et de la vitesse avec laquelle vous allez le faire. Alors, il faudra changer l'attitude de votre évolution. Ce n'est pas un sideline, l'évolution. On va faire une pause. Si vous avez des questions, vous les écrivez et vous les amenez ici en avant. La pause ne sera pas trop longue. De l'égrégore, va-t-il nous permettre de bâtir le double éthérique? Évidemment, quand on parle de l'énergie de l'égrégore, on parle d'un égrégore mental. On ne parle pas des égrégores astraux. L'égrégore mental ne permet pas la constitution d'un double éthérique. L'égrégore mental a une fonction, la réénergisation et l'entretien énergétique du corps mental de l'humain. L'entretien énergétique du corps mental d'un humain permet à ce mental d'avoir un accès plus vibratoire et plus facile avec son double, avec son ajusteur de pensée, ce qui va permettre l'instruction de l'ego, et l'ego instruit constitue au niveau supramental le double éthérique. Alors, si on veut avoir une réponse sans compréhension à la question, l'énergie de l'égrégore va-t-il nous permettre de bâtir le double éthérique? Oui. Mais par le processus, par le cheminement que je viens d'élaborer. L'égrégore, pour le constituer convenablement, ça demande évidemment la parole, ça demande de parler. Ça demande de parler mentalement. Et le problème de la parole mentale, c'est qu'elle n'est pas facilement instruisable. Pour que la parole mentale puisse être bien instruite, la personne doit être obligée d'en arriver à parler, mais à parler avec un processus psychologique relativement énergisé. Lorsque sa psychologie est suffisamment énergisée pour que la personne en ait presque une panique, alors automatiquement l'énergie mentale peut arriver à se dégager de sa psychologie. Et la personne, si elle est bien cadrée, va être capable de transmuer la parole psychologique en parole mentale. Lorsque la parole est relativement mentale, alors automatiquement la personne elle est capable de constituer un égrégore qui sera plus personnalisé, donc un égrégore qui pourra lui être utile, serviable. L'année dernière, j'ai donné un séminaire sur la colère mentale. Dans ce séminaire, il y avait entre autres une personne qui était assujettie à une manipulation démoniaque. Il y avait une personne qui était possédée de temps en temps par une forme de démon qui jouissait de son corps physique et évidemment de la peur, de l'horreur inspirée par sa présence sur la personne. Ce n'était pas une possession interne, mais une possession externe. L'entité enveloppait la personne, elle la sentait sur son corps, elle la sentait la toucher, elle la sentait jouer dans ses cheveux. Et lors du séminaire sur la colère mentale, bien cette entité, elle est revenue. Elle est revenue parce que le travail qui était en cours était un travail suffisamment puissant au niveau du désassujettissement astral que les forces astrales ont tout tenté pour essayer d'entraîner la classe au complet dans une peur. Alors, cette entité démoniaque s'est réemparée de cette personne, ce qui fait que la personne à côté d'elle, lorsque celle-ci s'est mise à crier, parce qu'il a eu une espèce de crise de folie, alors, évidemment, la peur commençait à s'étendre vers les plus puissants de la classe. Et moi, j'ai laissé faire l'entité démoniaque suffisamment longtemps pour donner une expérience à la classe. Et lorsque cela a été suffisamment expérientiel, alors j'ai chassé l'entité à jamais de cette personne. Et effectivement, il n'est jamais revenu sur elle. Lors du séminaire sur la colère mentale, c'était le premier séminaire sur la colère mentale. Et lorsqu'il y a quelque chose de neuf, il n'y a pas d'égrégore de créer autour d'un mécanisme neuf. Alors il est plus pénible et moins efficace. C'est comme le PMC. Les personnes qui sont en PMC 4 ont plus d'avance que ceux qui sont en PMC 6 lorsque ceux-ci étaient en PMC 4. Et c'est normal. Les premiers qui ont commencé le PMC, c'était réellement le risque et péril. Évidemment, je ne l'aurais pas dit. Tandis qu'aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Parce que le mécanisme est égrégorisé. Le premier séminaire sur la colère mentale, il n'y a pas de danger non plus, parce que premièrement, j'étais là. Et deuxièmement, il y avait 50 quelques personnes. N'empêche que cette possession démoniaque des plans astraux a pu prouver à certains qu'effectivement l'astral existait et il était réellement tangible. Mais il a permis aussi d'instruire dans certains que la parole, elle avait la faculté de créer un égrégore mental qui amenait suffisamment d'énergie protectrice, c'est-à-dire d'énergie énergisante, pour désassujettir la conscience de l'humain à l'inconscience de l'astral. Une fois par année, je fais le séminaire sur la colère mentale et je le fais l'été parce que c'est l'été que c'est le plus propice au mécanisme énergétique ionique. L'énergie mentale, il est d'ordre solaire. L'été, il y a le soleil. L'été, il y a la chaleur. L'été, il y a l'énergie yang au maximum. Et c'est pourquoi ce séminaire, je le fais une fois par année, l'été. Je ne le fais jamais l'hiver. Et je ne le ferai pas l'hiver non plus. Cet été, je refais le séminaire sur la colère mentale. Personnes qui sont intéressées, vous voyez Mario de toute façon ce sujet-là. L'égrégore qui peut être créé par une personne qui a la voix mentale est un égrégore qui devient personnalisable, donc qui a une personnalité typique de la personne qui l'a créé. Pour Reprenons l'exemple du séminaire sur la colère mentale. Et même, étant donné que présentement ce séminaire a un égrégore, il est bien évident que tout ce qui a été constitué lors du premier séminaire est mémorisé dans l'astral et peut servir instantanément à ceux qui font le deuxième séminaire. Ou à ceux qui refont le séminaire. Ceux qui ont fait une fois le PMC1 avec moi, le séminaire PMC1, ont été changés et ont appris des choses. Mais ceux qui l'ont refait, oh maudit, c'était drôlement mieux. C'était plus puissant, plus compréhensible, plus énergisant, plus clair, plus etc., etc. Ceux qui l'ont fait une fois, demandez à ceux qui l'ont fait deux fois. Verrez. Parce qu'une fois que l'égrégore est instauré, et plus l'égrégore est nourri, plus la personne qui a déjà une affinité égrégorienne relative à l'énergie de cet égrégore, on parle de PMC, donc les personnes qui font le PMC, plus ils ont de facilité par la suite à avoir accès à cet égrégore mental, ce qui va automatiquement leur donner des possibilités qu'ils n'auraient pas sans cela. Ces possibilités données par l'égrégore mental va donc les amener à entrer en contact plus facilement avec leur ajusteur de pensée et surtout à ne pas être manipulé par les entités astrales extérieures. L'égrégore PMC, il peut permettre aux personnes d'avoir un mental suffisamment élevé pour pouvoir se véhiculer sur le chemin de leur propre évolution plus rapidement. C'est la même chose au niveau du séminaire sur la colère mentale. La colère mentale, c'est la possibilité de créer les égrégores mentaux. Et la colère mentale, c'est la possibilité de désassujettir complètement sa voix, sa parole mentale, des mécanismes normaux de parole psychologique. Au niveau PMC4, on commence le travail. Et ça demande énormément d'énergie. À la fin du séminaire sur la colère mentale, c'est fait. Les personnes ont goûté à la saveur de la parole mentale. Et ils ont laissé leur nom, leur trace au niveau astral. Et ils ont personnalisé l'égrégore mental placé au niveau de l'égrégore mental du groupe. Autrement dit, ils se forgent une clé pour pouvoir s'en servir. Alors l'égrégore lui-même ne constitue pas et ne crée pas de double éthérique. L'égrégore, il permet l'affinité mentale qui va permettre le contact avec l'ajusteur de pensée, qui lui va permettre l'instruction de l'âme, qui elle va créer le double éthérique. Plusieurs fois, tu as utilisé le terme personnalisé. Mais quelle est la différence entre la personnalité et l'identité? Premièrement, une personne peut être identifiée sans personnalité. Elle peut être identifiée avec une personnalité. Elle peut être identifiée dans sa personnalité. Et elle peut avoir une personnalité sans s'identifier. La personnalité, ce sont tous les mécanismes évolutifs, énergétiques, qui vous différencient des autres. L'identité, c'est la conscientisation égoïque de votre différence par rapport aux autres. Si vous êtes identifié, vous allez vouloir défendre votre identification. Moi, j'ai une personnalité. Et qu'on me dise n'importe quoi, ça ne me touche pas, parce que je ne suis pas identifié. Celui qui est identifié a donc automatiquement une conscience limitée à l'identification. Celui qui a une conscience absolue n'a pas d'identification. Par contre, l'expression de sa conscience absolue peut être exprimée par une personnalité. Le mental doit arriver à s'identifier pour se désassujettir de l'identification de l'ego. Et le mental doit perdre d'identité pour ne garder qu'une personnalisation. L'ego doit perdre aussi son identification pour ne garder qu'une personnalité. La personnalité, c'est le mécanisme énergétique qui constitue ce que vous êtes. L'identité, c'est la certitude de n'être que cela. Et l'identité attache toujours de l'importance à ce que l'on est. Si je dis « vous êtes laid », je ne peux pas attaquer la personnalité, je ne peux attaquer que l'identité. La personnalité ne se défend pas, elle est ce qu'elle est. L'identité se défend parce qu'il n'a pas l'impression d'être, si les autres disent qu'il n'est pas. Alors une personne peut s'identifier dans sa main. Et sa personnalité, c'est tout le mécanisme au complet qui crée l'identification dans la main. Le schizophrène ne s'identifie pas dans la schizophrénie. Mais sa personnalité, c'est la schizophrénie. Lorsqu'une personne devient suffisamment évoluée spirituellement, par exemple, vous êtes identifié dans un état humain. Votre personnalité, elle est subhumaine. Alors, il y a une différence majeure entre la personnalité et l'identification, et l'identité. Quelle est votre identité? On demande ça aux douanes. On ne demande pas quelle est votre personnalité. Dans quoi? Quelle est la clé psychologique? Quelle est l'attraction psychologique? Quelle est la focalisation, la densification psychologique qui habite votre personnalité? La personne, elle arrive, elle s'en vient, elle se place devant le douanier a l'idée de la personnalité de la personne. Mais il veut connaître son identité. C'est pas pareil. Celui qui s'identifie dans sa personnalité va se maquiller, va s'habiller en fonction d'avoir une personnalité qui lui plaît. Lui est rendu au stade où il s'identifie dans la personnalité. Et là, lui-même mélange les deux, personnalité et identité. Il y a une différence majeure. À un moment donné, il va cesser de s'identifier dans la personnalité. Ça ne le dérangera plus. Mais il gardera sa personnalité. L'enfant a une personnalité et il n'est pas identifié. L'enfant finit par s'identifier dans quelque chose. Il peut arriver à s'identifier dans sa personnalité. Et lorsque l'humain évolue encore plus, il finit par perdre d'identité, mais il conserve sa personnalité. Quel mécanisme qui fait qu'on a une personnalité? Et le pourquoi, disons, le pourquoi de l'identification si... En tant que telle, l'éducation doit passer par-dessus et être seulement personnalisée. La personnalité, c'est la fusée. L'identification, c'est l'essence qu'on place dedans. Et lorsque l'essence explose, la fusée elle est transportée par l'identité, par l'essence, jusqu'à un moment où la personnalité doit se couper avec l'identité, laisser tomber les réservoirs vides, et la personnalité maintenant, qui est dégagée de l'attraction terrestre, poursuit son évolution vers les systèmes solaires. Alors, l'identité, lorsqu'une roche a une personnalité, mon verre a une personnalité. Mais il ne s'identifie pas dedans. Je peux le briser, je peux faire un chute, mais il ne s'identifie pas. La plante, elle a une personnalité et elle n'a pas d'identité, même si elle a un phénomène astral. L'animal a une personnalité, mais il n'a pas nécessairement d'identité, sauf certains rares animaux qui, au contact de l'humain, finissent par s'identifier. L'animal s'identifie beaucoup plus au maître lorsqu'il devient assez évolué. Beaucoup plus que lui. Mais il a une personnalité. Et il peut évidemment être coloré par la personnalité du maître, mais il a la sienne. Le chien est presque automatiquement un ami de l'humain. C'est sa personnalité. La personnalité raciale, la personnalité familiale, les familles de chiens, jusqu'aux personnalités individuelles en rapport avec le maître. L'identité, c'est ce qui va permettre au chien, lorsque le chien s'identifie, de commencer à suivre un processus d'accumulation mémorielle, donc d'intelligence ou d'intellectuance, plus précisément, de sa vie. Alors le chien va être capable de finir par arriver, parce qu'il s'identifie au maître, à s'ennuyer du maître, ce que le cheval ne fera pas. Le chien va être capable de défendre le maître, ce que le cheval ne fera pas, sauf un cheval qui finit par avoir une identité dans son maître. Alors, le chien va donc finir par suivre un simili-processus d'évolution parce que maintenant, il y a une identité. Parce que maintenant, il s'attache à l'importance. Ou il en attache au maître. Il s'identifie dans le maître. Et lorsque le chien, ben le chien ne peut pas aller plus loin que ça, l'humain, lui, va finir par arriver à voir que l'identité est nuisible de la personnalité et qu'en fin de compte, il met plus d'énergie à défendre son identité qu'à défendre sa personnalité. Alors l'humain finit par dire « Quelle est ma personnalité réelle? » Ça, c'est quand il s'identifie dans sa personnalité. Alors il la maquille, il la colore, il la déforme et là, il crée une personnalité d'identification qui essaie de prendre la place de la personnalité réelle. Jusqu'à un moment donné où l'humain va finir par perdre son identité dans sa personnalité, alors il ne restera qu'une personnalité. Une personnalité, la personne, elle rentre dans une salle et elle crée automatiquement une énergie, soit un froid, soit un chaud, elle crée quelque chose. Et si personne n'y fait attention, ça ne change rien. Elle n'a pas d'ego, donc elle n'a pas d'identité. Elle n'a qu'une personnalité. L'identité, c'est lorsque les choses exprimées croient créer ce qu'elles expriment. L'identité. La personnalité, c'est le rayonnement pur des choses. Une personnalité, ça rayonne. L'identité, ça veut ramasser, ça veut qu'on sache que ça rayonne, ça veut que... Mais l'identité, c'est ce qui est, ce qui permet à la personnalité de pouvoir se parfaire pour en arriver à avoir une personnalisation mentale, supramentale, etc. L'identité, comme l'âme, comme l'ego, c'est réellement la substance, c'est réellement le kérosène de la fusée. Qui permet à la fusée de décoller. La fusée, c'est la personne. Et le phénomène d'identité se retrouve-tu sur tous les plans? En passant, en allant jusqu'au plan supramental, disons, au niveau du double éthérique? Dans un laps de temps, oui, mais où l'identité va garder le plus de temps d'existence au niveau de la psychologie. Prenons l'exemple d'une personnalité qui décolle avec ses réservoirs et qui ne veut pas lâcher les réservoirs. On aura l'exemple de Challenger. Ça va sauter. Et lorsque le réservoir saute, sans se détacher, tout saute. C'est le processus même du monde des morts. Tu ne peux pas, tant que tu as de l'ego, tant que tu veux conserver ton réservoir avec toi, automatiquement celui-ci te tue, parce que tu es automatiquement accolé au monde des morts. Celui qui n'a plus d'identité, qui garde une personnalité, celui qui n'a plus d'identification, alors automatiquement il peut s'en aller vers le dôme éthérique, qui est une personnalité attractive, mais qui ne demande pas d'essence, d'ego. Question ici qui semble être rattachée par rapport à ce que tu parlais au niveau des univers. Les trous noirs sont-ils reliés aux univers parallèles? Si oui, donc c'est qu'on peut changer d'univers? Bon, les trous noirs sont reliés aux univers parallèles. Sauf que l'être humain, matériellement, ne peut pas traverser un trou noir. Le trou noir, c'est un paramètre limitatif entre deux univers. Et lorsque l'être humain, corporellement parlant, pénètre un trou noir, il ne peut plus en sortir. Alors, on n'appelle pas ça changer d'univers. Le trou noir, c'est une relation. Le trou noir, ça n'a pas toujours existé. Les trous noirs sont reliés à l'évolution expansive de l'humain par rapport à l'évolution expansive de l'univers. Chaque fois que dans la création, les énergies auront été densifiées à un point tel qu'à un moment donné, il en manquera, cela va créer des déchirures spatiales et temporelles. Cela va créer ce que l'humain appelle l'hyperespace. Et cela va créer aussi à la longue des... de l'inexistentialité coordonnée, donc de l'absolu coordonné à l'intérieur de l'absolu coordonné, cela va créer de l'absolu existentiel par rapport à l'absolu expérientiel, et cela va créer des concepts qui ne sont pas régis par les lois normales à l'intérieur d'une galaxie, mais qui sont régis par des lois extragalactiques et qui vont permettre à certains phénomènes évolutifs. Et là, on parle de transport séraphique, parce qu'il n'y a que les transports séraphiques qui peuvent traverser les trous noirs. L'humain, matériellement, ne peut pas. Il n'y a pas de terrestre, de mentalo-astralo-vitalo-physique qui puisse aborder un trou noir. Le comte de Saint-Germain est-il passé par l'expérience du double éthérique? Ça va de soi. le comte de Saint-Germain, lorsque le Nazaréen lui a permis de pénétrer le monde des morts, est passé par les mêmes facettes d'existence et d'expérience que le Nazaréen, sauf qu'il n'en était pas le maître contrôleur. C'est le Nazaréen qui contrôlait l'expérience du comte de Saint-Germain lorsque celui-ci a été apparemment déclaré mort par ses sœurs, frères et amis. Lorsque le comte de Saint-Germain a été apparemment ressuscité par le Nazaréen a bien déclaré qu'il n'était pas mort, qu'il dormait. Le comte de Saint-Germain a été le seul personnage de vivant de cette époque à accepter l'expérience du monde des morts. Donc, c'est le seul qui n'a pas eu foi en le Christ, mais qui savait ce que c'était que le Christ, que l'énergie supramentale. Lorsque le comte de Saint-Germain, lorsque Lazare a été ressuscité par le Nazaréen, il a été réveillé, c'est-à-dire qu'il n'était pas mort. Il avait pénétré le monde des morts sans mourir. Le corps physique avait commencé, évidemment, à pourrir. Mais le comte Lazare n'était pas mort. Lorsque le Nazaréen est revenu, il a, par sa voix, créé suffisamment d'énergie lumineuse, par le Verbe, que cela a permis à Lazare de retracer le chemin de son corps. Alors Lazare est revenu dans son corps, et comme Lazare avait un corps vital suffisamment parfait, un corps éthérique, il a évidemment restauré immédiatement les molécules atomiques de son corps physique. Donc, lorsque Lazare est sorti de son tombeau, il ne puait plus, il n'était plus en putréfaction, il était vivant. Humainement parlant, il était mort. Les personnes n'étaient pas folles, ils puaient, ils se décomposaient. J'appelle pas ça dormir. Mais il y a deuxième mort, la vraie mort n'avait pas été vécue par Lazare. Il avait pénétré le monde des morts avec son corps éthérique, avec son double éthérique, et ce qui lui a permis d'aller chercher, d'aller finaliser des choses au niveau de la constitution de son double éthérique, il est revenu. Saint-Germain a donc passé par les phases de l'expérience du double éthérique. Et en tant que tel, si on doit être son propre maître, un, pourquoi que Saint-Germain a été contrôlé par le Christ pour cette expérience-là? Y avait-tu une raison spéciale aussi pour que Saint-Germain vive absolument cette expérience-là? Saint-Germain était son seul maître, mais il n'était pas le maître contrôleur de l'expérience de la mort, de la transcension de la mort vivante. Il était son seul maître et, en savoir de cause, il a accepté l'expérience. Mais il n'avait pas encore la résonance vibratoire, c'est-à-dire qu'il n'avait pas encore de dôme éthérique suffisamment constitué pour pouvoir pénétrer le monde des morts sans risquer la mort. C'était risqué. Le Nazaréen lui a dit qu'il n'y aurait aucun problème, et Lazare a accepté donc cette mort, en savoir de cause. Il est mort. Il est mort naturellement. Il a quitté son corps physique au niveau de ses plans astraux. Il a rejoint le double éthérique qu'il s'était constitué, et par cela même, il s'est réincarné à l'intérieur de son propre corps physique. Lorsque Lazare, dans la Bible, on en parle seulement lorsque le Nazaréen va le ressusciter, mais on ne parle pas de Lazare plus qu'il faut. Lazare n'était pas une personne âgée. Lazare était extrêmement jeune. Lazare n'avait pas le même âge que le Nazaréen. Lorsque Lazare a travaillé avec le Nazaréen, je ne compterai pas tout ce qu'il a fait avec lui, et l'incarnation de qui il était. Lorsque Lazare a accepté ce voyage, automatiquement, Lazare est allé expérimenter le monde des morts. Il est allé chercher, finaliser la création de son double éthérique, mais d'une façon très particulière, n'étant pas le maître contrôleur, d'ailleurs il n'avait pas la puissance d'être le maître contrôleur. Lazare, en allant chercher cela, ce qu'il a fait, il a fait ceci. Il est mort. Il est mort volontairement de son corps physique. Il a été attiré par le monde des morts. L'initiation devait faire de lui un être qui devait aller chercher le double éthérique, son double éthérique, plutôt que de pénétrer le monde des morts. Il devait se réincarner par la sphère de réincarnation traditionnelle normale, sauf que le Nazaréen, lorsqu'il est allé réveiller Lazare, il a simplement par son verbe, créer une lumière qui permettait à Lazare de retracer son corps au niveau de l'échelle spatio-temporelle terrestre. Cela pour éviter que Lazare ne renaisse dans un enfant. Autrement dit, celui qui meurt et qui, en dedans de quelques jours, est capable de renaître, peut revenir dans son corps, le restructurer et le conserver. Il n'a pas besoin nécessairement de renaître par la naissance. Si il est capable de retrouver la lumière de son corps, ce qui ne se fait pas pour l'instant. Et le Nazaréen parlant au corps de Lazare, a énergisé le corps de Lazare, créant une lumière typique de Lazare, et évidemment, par consensus supramentaux, parce que le Nazaréen, lorsqu'il a ressuscité Lazare, il était dans le plan supramental, donc au-delà du monde des morts, et dans le plan terrestre, donc en-delà du monde des morts. Et sa vibration, sa lumière a créé une espèce de canal lumineux, et le double éthérique, la personnalité de Lazare dans le monde des morts, a su reconnaître le corps, alors il est revenu, il a ramassé ce qu'il avait besoin, il est revenu dans ce corps. Le Nazaréen ainsi que l'énergie éthérique de Lazare ont reconstitué le corps, sauf que Lazare, à partir de ce moment donné, n'avait plus besoin de vivre la mortalité conventionnelle pour pouvoir parfaire son double éthérique. Il faut comprendre que le double éthérique du comte de Saint-Germain n'est pas parfait. Le double éthérique du comte de Saint-Germain ne sera parfait et lui ne peut pas le parfaire pour l'instant, donc il est relié au plan de service de la planète. Pour la simple raison que dans le monde des morts, il y a certaines entités qui lui appartiennent, mais comme il ne peut plus mourir, il ne peut donc pas aller les chercher. Et en plus, le travail vibratoire qu'il a à faire au niveau de notre planète ne lui permet pas de se réincarner une autre fois. Il peut par contre créer des corps physiques. Il a créé le corps de Thomas Paine, il a créé le corps de, bon, enfin, plusieurs autres que je pourrais nommer. Et le comte de Saint-Germain est une entité qui travaille par l'intelligence, qui sert aussi de contact entre les énergies supramentales intelligente et toute la gestion planétaire de tous les mécanismes astro du bien et du mal. Le comte de Saint-Germain remplace, si l'on pourrait dire, ce que le Christ était avant sa densification humaine. Pourrait-on dire que Saint-Germain étant un corps, a eu un corps physique, a possibilité de corps physique, pourrait-on dire en ce moment que Saint-Germain permet d'être un ajusteur de pensée, mais planétaire au niveau de tout le système? Non, Saint-Germain est un ajusteur d'intelligence, mais il n'est pas un ajusteur de pensée.